Bonjour, je suis le professeur Daniel Thomas, cardiologue. Je suis ancien président de la Fédération française de cardiologie et nous allons aujourd'hui parler du tabac qui est un facteur primordial dans la prévention cardiovasculaire. Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie à retrouver sur toutes les plateformes et sur www.fedecardio.org. La SLA ou sclérose latérale amyotrophique est mieux connue sous le nom de maladie de Charcot. C'est l'une des maladies rares les plus courantes. 1000 personnes sont diagnostiquées chaque année en France avec une moyenne autour de 8000 patients touchés. Elle est paradoxalement connue pour un cas très atypique, celui du physicien Stephen Hawking qui, touché très jeune, a vécu plus de 55 ans avec la SLA lorsque l'espérance de vie post-diagnostique dépasse rarement les 10 ans. La plupart des cas apparaissent chez des patients entre 50 et 70 ans. S'il n'existe pas de traitement véritablement efficace à l'heure actuelle, des pistes sont à l'étude, notamment du côté des cellules souches. Maladie de Charcot, la plus fréquente des maladies rares, c'est le programme neurodégénératif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette maladie, ce que l'on en sait, les différentes pistes de recherche et de traitement, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Luc Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche INSERM au Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg et nous sommes également en ligne avec Séverine Boilet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche INSERM à l'Institut du Cerveau à Paris, mais on commence comme tous les lundis par le tour de l'actualité scientifique du week-end et c'est le Journal des Sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on ouvre ce journal avec la variole du singe qui continue de s'étendre. On fait le point tout de suite sur ce que l'on sait, sur qu'on ne sait pas encore de ce virus. La variole du singe est une zoonose virale qui se transmet à l'humain par les animaux, notamment les rongeurs et les singes. Ce n'est pas un virus nouveau. Il est connu depuis les années 60 et il est surveillé principalement en Afrique. C'est un virus dit émergent, c'est-à-dire qu'il a la potentialité d'être épidémique. On a déjà eu des cas en dehors des zones endémiques, mais il s'agissait principalement de cas d'importation. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'on observe. Ce sont des cas dits autochtones, avec au moins 120 cas confirmés ou suspects, repérés dans 11 pays non africains, et qui touchent principalement de jeunes hommes qui se définissent comme homosexuels. Cela signifie qu'il y a eu plus de contaminations hors Afrique, en une seule semaine qu'entre 1970 et mai 2022. Une équipe portugaise vient de publier une première analyse génomique du virus, mais une question persiste, pourquoi ce virus surgit dans ces zones et chez ces populations? India Leclerc est enseignante-chercheuse au sein de la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur et enseignante à l'Université Paris-Cité. Elle est spécialiste des poxvirus. C'est sûr que c'est une maladie en fait qui est assez méconnue en Europe ou même en Amérique du Nord. Et il est possible en fait qu'elle soit passée sous les radars pendant un certain temps, puisque finalement elle peut être facilement confondue avec soit la varicelle, soit des maladies sexuellement transmissibles comme la syphilis. Les données actuelles laissent supposer que finalement ce virus il est transmissible d'un individu à un autre lors de contacts rapprochés. Donc la transmission interhumaine, elle n'est pas simple pour ce virus. Le virus se transmet difficilement d'une personne à une autre. C'est une souche d'Afrique de l'Ouest. Et effectivement, cette souche est moins létale que la souche qui circule principalement en Afrique centrale. Donc de ce que l'on sait actuellement, c'est que cette souche a un taux de létalité de l'ordre de 1 à 3%. Donc des maladies relativement bénignes qui entraînent des cas graves chez un nombre relativement peu important de personnes. Donc le mode de transmission reste à définir, notamment est-ce qu'on a un virus qui est plus transmissible que celui qui circulait jusqu'à présent. Alors au niveau de la virulence, jusqu'à présent, les cas qui ont été identifiés sont des cas relativement bénins, donc il ne semble pas y avoir d'évolution à ce niveau-là. La période d'incubation du virus est relativement longue, donc entre 5 et 20 jours. La chance que l'on a avec ce virus, c'est que finalement, les personnes qui vont être infectées vont être contagieuses à partir du moment où elles développent les premiers symptômes. Donc ce qui nous laisse le temps de réagir et de placer les personnes en quarantaine, et ce qui empêche en fait la dissémination du virus pendant cette période d'incubation. Ce qui n'était pas le cas par exemple avec le SARS-CoV-2, où finalement là les personnes étaient contagieuses à partir du moment où elles étaient infectées et pas à partir du moment où elles déclaraient les symptômes. Donc finalement on peut avoir une dynamique de transmission qui est moins importante, moins fréquente, avec un virus, par exemple, comme le SARS-CoV-2 ou le virus de la grippe. Voilà, et on suit bien entendu ce début de, bon, on va pas dire d'épidémie parce qu'on n'en y est évidemment pas encore, mais en tout cas, cette variole du singe, on le suit dans le Journal des Sciences et comme d'habitude, tous les liens pour tout savoir, c'est sur notre fil Twitter, @lamedefc, ainsi que sur la page de l'émission sur le site franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans The Astrophysical Journal, nous avons la mesure la plus précise de la valeur du taux d'expansion de l'univers. Oui, pour mesurer l'expansion de l'univers, on utilise la constante Hubble. Et pour calibrer cette constante, une équipe américaine a analysé 30 années d'observation du télescope spatial Hubble. Les chercheurs se sont appuyés sur 42 supernovas de type 1A qui ont été utilisées comme des marqueurs de bornes kilométriques. Selon leurs résultats, le taux d'expansion de l'univers est de 73 km par seconde par mégapersec au lieu des 67,5 km par seconde par mégapersec attendu. Encore une fois, l'expansion de l'univers serait plus rapide que ce que les modèles avaient prédit. Selon la NASA, la sonde Voyager 1 nous transmet des données incohérentes. Et lancée en 1977, la sonde a franchi l'héliosphère en 2012 et elle est la première à explorer l'espace interstellaire. Elle poursuit son voyage à plus de 23 milliards de kilomètres de la Terre. Ses équipements, vieux de 45 ans, continuent de recevoir et d'exécuter les commandes reçues de la NASA. L'antenne semble être correctement alignée, mais problème, les données de télémétrie qu'elle renvoie ne sont pas valides. Alors pour le moment, on ne sait pas encore à quel point ce souci peut affecter la collecte et la transmission d'informations scientifiques. Et il faudra s'armer de patience avant de diagnostiquer la panne à une telle distance. Il faut environ 2 jours pour envoyer un message à la sonde et pour obtenir une réponse. Et enfin, une étude parue dans la revue One Earth décrit un autre impact du dérèglement climatique sur notre santé. Oui, dans un monde plus chaud, nous risquons de moins dormir. Une équipe danoise a analysé les données de plus de 48 000 dormeurs dans 68 pays, munis d'un bracelet de suivi entre 2015 et 2017. Des données qu'ils ont associées aux données météorologiques. Il se trouve que la hausse des températures affecte la durée de sommeil. Lors des nuits plus chaudes, on s'endort plus tard, on se réveille plus tôt, avec des nuits de moins bonne qualité. Alors le phénomène touche principalement les pays à faible revenu, les femmes et les personnes âgées. La hausse des températures ferait déjà perdre environ 44 heures de sommeil par an. Merci beaucoup Natacha, et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Le 21 avril dernier, une tribune était publiée dans le journal Le Monde sous le titre « Faisons de la lutte contre la maladie de Charcot et autres maladies neurodégénératives une grande cause nationale » portée par Gilles Pialou, l'infectiologue, également auteur d'un roman sur la SLA pour sclérose latérale amyotrophique, le nom scientifique de la maladie de Charcot. Cette tribune insiste sur le fait que cette maladie est globalement peu médiatisée, alors que c'est pourtant l'une des maladies rares les plus courantes qui touchent environ 8000 personnes en France. Non seulement la maladie est peu médiatisée, mais elle est surtout connue par l'un de ses cas les plus atypiques, le physicien Stephen Hawking, qui présentait une forme très peu courante de SLA. Il a vécu plus de 55 ans avec cette affection, alors que d'ordinaire, la dégradation de l'état des patients est assez rapide, comme l'explique d'ailleurs notre archive du jour. Nous sommes en 1997. Je crois qu'à partir du moment où on voit ces patients tous les 2 mois, où il y a des relations qui se créent à la fois lors des consultations, mais aussi par téléphone, il est clair qu'au bout d'un certain nombre de consultations, lorsque le patient lui-même s'est rendu compte que de mois en mois, ses capacités motrices déclinent et que si ça continue comme ça, il va très rapidement être totalement paralysé. Il faut donc l'aider dans ces cas-là, non pas à comprendre ce qui lui arrive car il le sait, mais à comprendre pourquoi ça lui arrive. C'est-à-dire, il faut expliquer ce qui se passe. c'est-à-dire pourquoi un muscle se paralyse, qu'est-ce qui se passe au niveau du système nerveux, rentrer même éventuellement dans des détails de physiologie pour qu'ils comprennent bien ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, d'étape en étape, c'est-à-dire de consultation en consultation, je crois qu'il y a une confiance qui se crée entre le malade et le médecin. Et je crois qu'il y a une chose qui me paraît être indispensable, je ne dirais pas fondamentale, c'est peut-être un grand mot, c'est que le malade n'ait pas l'impression que le médecin triche. On peut effectivement ne pas dire toute la vérité, car on ne sait pas toute la vérité, on ne sait jamais comment un malade va évoluer. Il est clair que même dans cette maladie, nous savons qu'il y a un petit nombre, pas loin de 10% quand même des patients, qui peuvent avoir une évolution qui se stabilise, une évolution très lente, qui ne sera pas l'évolution de la majorité des patients. Donc nous ne le savons pas au départ. Donc nous-mêmes avons un doute, et il est clair que nous ne pouvons pas fermer une porte complètement. Il faut laisser une porte entrouverte, non pas parce que nous avons décidé de la laisser entrouverte pour laisser un espoir aux patients, mais parce que nous-mêmes, nous ne savons pas, et nous ne savons toujours pas maintenant, malgré les examens complémentaires que l'on peut faire, malgré les médicaments que nous pouvons utiliser, quelle va être l'évolution d'un patient quand on le voit, tout du moins au début. Voilà, le neurologue Pierre Gouche en 1997, une réaction à cette archive, et puis on reparlera évidemment très rapidement également Séverine Boilet de la tribune publiée dans le journal Le Monde, mais sur cette archive et sur l'état des connaissances finalement que décrit Pierre Gouche il y a presque 30 ans maintenant. Oui, par rapport à l'évolution des patients, c'est vrai que c'est souvent ce que les patients disent, que il faut beaucoup de temps pour poser le diagnostic de la SLA, donc c'est quelque chose qui est très compliqué. Et malgré tout, l'évolution aujourd'hui, c'est toujours le cas, c'est toujours compliqué de poser le diagnostic. Luc Dupuis, sur sur cette archive plus généralement, ou sur le fait que suite à cette tribune signée notamment à l'initiative de Gilles Pialou, la SLA, donc je rappelle que c'est le nom scientifique de la maladie de Charcot, est considérée toujours aujourd'hui un peu comme le parent pauvre, et je mets beaucoup de guillemets autour de cette expression, des maladies neurodégénératives. Oui, c'est vrai, et c'est d'ailleurs encore plus vrai quand on compare à la connaissance que nos collègues, notamment anglo-saxons, américains, anglais, ont de la maladie. Le grand public aux États-Unis, en Angleterre, connaît la SLA, sait ce qu'est cette maladie, le grand public en France, beaucoup moins. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas si c'est dû notamment au fait que Charcot a décrit tellement de maladies que les gens ne savent plus exactement à quelle maladie on réfère. Il y a aussi la confusion qui est faite de temps en temps avec la sclérose en plaques. Ouais. Mais c'est vrai que en France particulièrement, c'est une maladie qui est assez méconnue. Mmh. Elle tue quand même autant de monde chaque année que les accidents de la route. On est à presque 2000 à 3000 décès de patients SLA chaque année en France, et pourtant effectivement on la connaît pas bien. Un mot justement sur l'évolution, Luc Dupuis, de l'épidémiologie de la SLA. Je disais environ 1000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, environ 8000 patients touchés. Ouais, donc ça veut dire que En général, on a un risque sur 400 à 500 de décéder de SLA dans la population globale. Donc c'est une maladie qui est rare, mais c'est une maladie qui n'est pas si rare que ça. Et c'est cette incidence où elle est à peu près constante dans tous les pays où elle a été étudiée de façon détaillée, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou en Asie. Elle est un tout petit peu différente en Asie, essentiellement parce que la progression de la maladie est un petit peu plus lente. Donc il y a autant de nouveaux cas, mais un petit peu plus de patients. Mais sinon, c'est une maladie qui a une épidémiologie qui est assez universelle. Séverine Boilet, un commentaire justement sur l'épidémiologie? Oui, je voulais surtout revenir sur le fait que la maladie est mal connue. C'est vrai que quand on parle des maladies neurodégénératives en France, on n'associe pas la SLA à ces maladies. Souvent, quand On parle bien sûr des maladies les plus courantes, Alzheimer, Parkinson, qui sont aussi des maladies terribles, mais on n'ajoute pas la SLA, donc c'est quelque chose de difficile pour les patients et même pour toutes les personnes qui travaillent sur cette maladie. Et par rapport à l'épidémiologie, je pense que Luc a tout à fait bien répondu. Et donc, voilà, une maladie qui n'est pas rare, malgré son nom. On va continuer à examiner, à s'intéresser précisément à cette SLA ou maladie de Charcot, comprendre exactement ce qu'est cette maladie, qui elle touche. On va voir, vous allez voir que c'est une maladie complexe qui recèle plusieurs types d'affections. Et puis on se posera évidemment, comme souvent dans la deuxième partie de cette émission, des questions autour de la recherche pour mieux comprendre, pour mieux diagnostiquer, mais également pour mieux traiter cette sclérose latérale amyotrophique. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Il y a 4h15, nous parlons donc de la maladie de Charcot ou SLA tout au long de cette heure en compagnie de Luc Dupuis et Séverine Boilet. Peut-être Séverine Boilet, peut-on revenir précisément sur ce nom de SLA? Qu'est-ce que ça signifie, sclérose latérale amyotrophique? Oui, un nom un peu compliqué, comme on le disait, c'est peut-être pour ça qu'en France, on ne connaît pas bien cette maladie. Donc ça a été décrit par Charcot et c'est quand il a vu les coupes et ce qui se passait qu'il a donné ce nom. Donc amyotrophie parce que d'abord les muscles s'atrophient, donc amyo pour muscle. Et puis les cordons latéraux qui sont atteints, donc ça c'est au niveau de ce qu'on voit sur les tissus des patients lorsqu'ils sont décédés et que Charcot les a étudiés. Donc il voyait que ces cordons étaient affectés, donc la perte des connexions des neurones, d'où le nom, mais complexe. Luc Dupuis, sur cette terminologie? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la définition de la SLA, c'est d'abord une définition clinique. C'est ça qui est important. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on voit effectivement cette sclérose latérale et cette amyotrophie, comme le disait Séverine, mais ça reste une définition clinique, c'est-à-dire qu'on met ensemble des maladies qui sont peut-être totalement différentes dans leur mécanisme, et ça reste en 2022 une des questions importantes qui est est-ce que ce terme unique de SLA recouvre une maladie ou un syndrome? Oui. On va y revenir précisément dans un instant et on va voir parce qu'il y a effectivement deux types d'affections très distinctes. Peut-être qu'on peut rappeler simplement, Luc Dupuis, que finalement le premier symptôme, la description symptomatologique, c'est la mort des neurones qui est impliquée dans la motricité, c'est-à-dire que finalement c'est une atrophie musculaire qui est liée à la disjonction entre la moelle épinière et les muscles squelettiques ou les différents muscles du corps. C'est ça, et en fonction du muscle atteint, le symptôme qui va arriver va être différent. Si vous avez une dénervation des muscles de la jambe, les premiers symptômes sont souvent des chutes ou des faiblesses dans la jambe. Si vous avez une dénervation de la main, ça va être une difficulté pour écrire. Et l'autre, le dernier, essentiellement, c'est quand il y a des difficultés pour parler ou des difficultés pour déglutir, là, ça pourra aussi être un symptôme de SLA. Séverine Boilet, on distingue donc deux types de SLA et vous pouvez peut-être nous expliquer en fonction de l'endroit d'où débute finalement l'affection. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ces deux formes distinctes? Alors, comme le disait Luc, je pense qu'il n'y a pas que deux formes. En fait, c'est vraiment une multitude de formes, mais on définit au début la SLA par l'endroit, comme vient de le décrire Luc, d'où la maladie commence. Donc on dit qu'il y a une forme plutôt bulbaire lorsque ça touche la déglutition ou la parole, parce que donc ce sont les motoneurones qui sont dans le tronc cérébral, dans le bulbe, qui commencent à dégénérer, et une forme spinale lorsque ce sont les motoneurones qui sont dans la moelle épinière et donc qui vont eux être connectés aux muscles des membres surtout. Donc on définit comme ça le début de la maladie, mais ensuite c'est une maladie qui progresse, donc petit à petit l'ensemble des muscles vont être affectés. Ce qui est aussi particulier avec la SLA, c'est qu'il y a une atteinte aussi du motoneurone, du neurone moteur cortical, donc dans le cerveau, ainsi que donc les motoneurones, le second motoneurone qui est dans la moelle épinière ou dans le bulbe. Donc c'est ce qui définit la SLA lorsque ces deux types de motoneurones sont atteints. Luc Dupuis, vous vouliez réagir? Oui, effectivement, c'est ce qui définit la SLA, c'est-à-dire qu'il y a des maladies qui atteignent seulement le motoneurone de la moelle épinière, il y a des maladies qui atteignent seulement le neurone corticospinal, et c'est seulement la conjonction de l'atteinte de ces deux neurones qui définit la SLA. Il y a par exemple des maladies du motoneurone inférieur qui sont beaucoup moins sévères que la SLA. Par exemple. La maladie de Kennedy, par exemple, qui est une maladie génétique, elle progresse beaucoup plus lentement que la SLA, mais c'est une atteinte isolée du motoneurone inférieur, c'est-à-dire du motoneurone spinal ou bulbaire. Il faut préciser que donc si on répartit à peu près, et alors je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, Séverine Boilet, on a à peu près 30% de SLA qu'on dit à début bulbaire, c'est-à-dire qui conduit à des affections, à des troubles articulatoires ou des troubles de la déglutition, 70% de troubles des motoneurones périphériques qui conduisent donc plus à des problèmes moteurs, de déplacement et d'évolution dans l'espace. Oui, tout à fait, mais en fait, à un moment, ça va se recouper, oui. Puisque au final, même si la maladie a commencé par la jambe, elle va finir en bulbaire, donc les gens pourront aussi avoir des problèmes de déglutition. Donc ça dépend vraiment au départ. Et donc il y a tout un pan de recherche de savoir comment en fait ça évolue et comment ça touche d'abord un muscle, puis un autre. On a également, Luc Dupuis, des cas très rares d'atteinte respiratoire initiale, plus sévère aussi. Oui, ils sont plus rares, c'est moins de 5% des cas qui débutent par une atteinte respiratoire. Donc on peut comprendre que ces cas débutant par une atteinte respiratoire vont progresser plus rapidement. Comment est-ce qu'on pose aujourd'hui, Luc Dupuis, le diagnostic? Parce que un petit trouble. Alors oui, non, peut-être avant ça. Ce qu'il faut préciser, c'est que contrairement, comme je le disais, et peut-être qu'on reviendra d'ailleurs sur le cas précis et très particulier de Stephen Hawking, mais la SLA, c'est une maladie neurodégénérative qui se déclare plutôt dans la deuxième moitié, voire le troisième tiers de la vie. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le généralement l'âge de déclenchement, c'est la petite soixantaine. Donc entre 58 et 62 ans, c'est le maximum de déclenchement. Ce que vous avez pas dit, c'est que c'est une maladie qui est un tout petit peu plus fréquente chez l'homme que chez la femme, mais pas énormément, hein. Il y a à peu près 50% d'hommes en plus. Et les caractéristiques de la maladie, notamment on parlait du site de début, sont légèrement différentes statistiquement entre l'homme et la femme. La femme, c'est plutôt une atteinte bulbaire, alors que l'homme, c'est plutôt une atteinte spinale, mais ça reste très caricatural et au niveau de la population, évidemment pas au niveau individuel. Séverine Boilet, sur ce début, on a néanmoins tout de même un certain nombre de cas de déclarations de SLA très tôt, très jeune. Encore une fois, on peut reparler de Stephen Hawking qui a été diagnostiqué à 21 ans. On peut parler d'une autre patiente assez célèbre parce que c'est la première, et on en reparlera dans la deuxième partie, à avoir reçu un traitement à base de cellules souches, qui est Léa Stavenhagen, qui elle aussi a été diagnostiquée très tôt. Oui, il y a des cas très tôt de SLA. On a tendance à penser que lorsque ce sont des cas dits familiaux, qui ont une cause génétique, il y a un début de la maladie qui peut être plus fréquent, notamment pour certains gènes. Luc saurait mieux en parler que moi, mais le gène FUS, qu'on retrouve surtout chez les formes qui ont un début à moins de 40 ans. Et il y a aussi, donc ces cas peuvent être plus rapides ou plus lents. Le cas de Stephen Hawking, effectivement, est une maladie qui a évolué très lentement. Mais donc on trouve même des cas chez des adolescents. Donc c'est pas, ouais. On sait que le risque d'avoir la SLA augmente avec l'âge, comme pour toutes les maladies neurodégénératives. Mais il est vrai qu'on peut aussi trouver des cas très jeunes et autour de nous. On voit, Luc Dupuis, dans ce que l'on décrit là, un tableau tout de même clinique extrêmement varié. Et c'est bien là que se repose la question de savoir si on parle d'une seule et même maladie, parce qu'on va parler des causes génétiques dans quelques instants, mais on peut dire d'ores et déjà que les causes génétiques ne concernent que 10% des maladies déclarées. Et on voit que ça touche finalement différentes formes, différents symptômes, différents types de populations. Et ça pose la question effectivement de l'unicité étiologique finalement de cette maladie. Oui, moi je pense qu'on est tous d'accord à peu près maintenant dans la recherche pour dire qu'il n'y a pas d'unicité étiologique. Ne serait-ce que dans les formes génétiques, hein, on a des très grandes, on a de très nombreux gènes qui causent la SLA. Donc a priori, on pense que la même chose a lieu dans les cas, on va dire, non génétiques. C'est probablement un syndrome, ce qui veut dire que à terme, il va falloir, et on en parlera au moment de où on parlera de traitement ou de perspective, il va falloir qu'on arrive à individualiser les choses. Un mot tout de même sur le cas particulier de Stephen Hawking. La SLA, alors normalement, globalement, le pronostic vital est engagé à très court terme, puisque la survie en général est limitée à 3 à 5 ans en moyenne après le diagnostic. Donc on voit que c'est une maladie qui évolue très vite. Stephen Hawking a vécu 55 ans avec cette maladie. Est-ce qu'on a eu une explication? Est-ce que c'est un cas extrêmement rare? Comment est-ce qu'on comprend finalement cette affection particulière, Luc Dupuis? Donc, on n'a pas vraiment d'explication sur Stephen Hawking. Ce qu'on sait, c'est que en général, et en dehors de certaines mutations que Séverine a mentionnées, par exemple les mutations FUS, la plupart du temps, quand la maladie se déclenche tôt, elle a une progression plus lente. Quand elle se déclenche tard, elle a une progression plus rapide. On sait aussi que quand on a une maladie à début spinal, on progresse plus lentement que quand on a une maladie à début bulbaire. Donc en fait, c'est une combinaison de ces différents facteurs. Et effectivement, dans le cas de Stephen Hawking, on n'a pas vraiment d'explication. Alors après, lui, mais on va en parler, je pense aussi, lui disait que son régime alimentaire particulier lui avait permis de vivre plus longtemps, mais très honnêtement, on n'a aucune évidence scientifique là-dessus. On ne sait pas, en fait. Séverine Boilet, un mot ou un avis à ce propos? Non, oui, en fait, on ne sait absolument pas pourquoi, mais c'est parce que c'est le cas le plus médiatisé, mais c'est vrai qu'il y a d'autres cas aussi qui évoluent plus lentement. Par rapport à Stephen Hawking, c'est vrai qu'il ne faut aussi pas oublier qu'il était très bien entouré aussi, qu'il a eu peut-être aussi le fait d'avoir eu la possibilité d'être extrêmement bien soigné. À un moment, il a eu une ventilation un peu particulière, bon, qui n'est pas ce qui lui a permis de survivre jusqu'à la fin, parce que ça n'a été que pendant un temps. Mais, donc voilà, il y a beaucoup de questions, et surtout c'est vrai qu'on se demande si on savait pourquoi chez lui ça avait progressé aussi lentement, est-ce qu'on pourrait prendre cette cause pour bénéficier aux autres patients. Donc il y a toute une hypothèse qui est qu'il y a un caractère génétique qui ferait que ce serait protecteur chez certaines personnes par rapport à d'autres. C'est vrai que même lorsque ce sont des maladies très proches et même avec la même cause génétique, il y a des individus chez lesquels ça évolue plus lentement et d'autres plus rapidement. Donc on sait qu'il y a certainement des composantes génétiques et aussi la façon certainement dont les personnes vivent qui fait que ça peut évoluer différemment. Mmh. Luc Dupuis, vous vouliez réagir également ? Non, je pensais qu'effectivement, on sait que dans une même famille, par exemple, qui peuvent avoir les mêmes mutations, on peut avoir jusqu'à 15-20 ans d'écart sur le déclenchement et une grande hétérogénéité aussi sur la progression des symptômes notamment. Donc c'est très difficile de savoir au niveau du patient individuel pourquoi ce patient-là, et en fait on ne le sait pas, pourquoi ce patient-là progresse plus vite ou pourquoi ce patient-là progresse plus lentement. Et on ne le saura jamais dans le cas de Stephen Hawking, clairement. Côté étiologie, donc on l'a dit, 10% des cas relèvent d'un facteur génétique, et on y reviendra dans quelques minutes dans la deuxième partie de cette émission. Et alors, quand on regarde les facteurs environnementaux, là aussi on a l'impression que c'est un peu, on y case un peu tout, il y a un peu à boire et à manger. Alors ça peut être le tabac, mais aussi le sport de haut niveau. On parle beaucoup d'exposition à des pesticides, à des métaux lourds, à des molécules très précises, comme ce cas particulier en Savoie d'exposition à un champignon, la fausse morie, qui a créé une recrudescence de cas de SLA. Quand on a autant de facteurs environnementaux, ça veut dire qu'en fait on n'en a aucune idée, ou est-ce que tout de même il y en a quelques-uns qui sont vraiment très très fléchés, Séverine Boilet? Non, c'est vrai que pour le côté environnemental, alors il y a un peu peut-être deux écoles, les personnes qui pensent que c'est vraiment une composante génétique qui prévaut, et puis d'autres qui pensent que peut-être il y a l'environnement. Alors quand on ne sait pas, généralement c'est peut-être un peu des deux, mais c'est vrai que par rapport à l'environnement, il y a eu beaucoup d'hypothèses. Le problème avec la SLA, c'est que comme il y a, par rapport à d'autres maladies où le nombre de patients est beaucoup plus nombreux, on peut faire beaucoup mieux on peut pas faire aussi bien dans la SLA parce que la maladie est plus rare, donc c'est difficile de faire des études épidémiologiques très poussées. Et donc c'est un peu ce sur quoi ce à quoi on se heurte. C'est vrai que par rapport aux pesticides, on sait que dans la maladie de Parkinson, il y a vraiment des preuves. Pour la SLA, pour le moment, il n'y a pas vraiment de preuves. Donc peut-être les deux, ou peut-être que ce sont des facteurs génétiques confondants. Quand vous parliez de sport aussi, il y a l'hypothèse qu'effectivement, il pourrait y avoir quelque chose qui ferait que les sportifs de haut niveau qui font beaucoup de sport pourraient, leur motoneurone pourrait devenir vulnérable par ces stress répétés. Mais l'autre hypothèse est de se dire que lorsque ces sportifs de haut niveau arrivent à ce niveau, c'est qu'ils ont quelque chose en eux d'intrinsèque qui fait qu'ils sont très bons sportifs, et peut-être que leurs motoneurones ont un certain métabolisme qui va faire qu'ils vont être très bons dans ce sport, mais aussi donc être plus vulnérables pour la SLA, donc toujours un caractère génétique. Donc c'est entre les deux, on ne sait jamais de quel côté il faut aller. Luc Dupuis. Oui, sur le sport, il y a depuis très longtemps des médecins, des neurologues qui pensent qu'il y a un lien entre activité physique et SLA. Je voudrais juste rappeler qu'aux États-Unis, cette maladie, elle est appelée maladie de Lou Gehrig. Lou Gehrig, c'est un sportif, c'est un joueur de baseball qui a déclenché cette maladie. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de preuves épidémiologiques qui relient sport de haut niveau, mais alors pas forcément uniquement sport de haut niveau, ça peut être aussi activité physique intense, etc., avec la SLA. Faut surtout pas penser que c'est pas pour autant qu'il faut pas faire de sport. Ça reste une maladie très rare, et même en imaginant qu'on augmente son risque de SLA, on diminue tellement son risque de cancer, de diabète, de maladies d'Alzheimer en faisant du sport qu'il faut continuer à faire du sport. Mais par contre, il y a effectivement peut-être un lien entre sport de haut niveau et SLA. Et je souscris totalement à ce que dit Séverine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence. Peut-être que les futurs patients SLA sont génétiquement programmés, entre guillemets, pour être très bons dans les sports, et que finalement, la conséquence de ça, c'est qu'ils vont avoir plus de risques de développer une SLA. En fait, on ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence. On va continuer à discuter de cette SLA. Je vous rappelle que c'est le nom scientifique de la maladie de Charcot. On va se pencher évidemment sur les pistes de recherche, notamment bien sur l'étiologie, puisqu'on a vu que pour le moment, il reste beaucoup de points d'interrogation, mais également sur les traitements. Ce sera dans quelques secondes musicales. Jonas Munk, Faint Light in the Distance, à 16h35 sur France Culture. Nous parlons donc tout au long de cette heure de la maladie de Charcot ou SLA, SLA pour sclérose latérale amyotrophique. Nous en parlons avec Luc Dupuis qui est directeur de recherche INSERM au Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg et Séverine Boilet qui est directrice de recherche INSERM à l'Institut du Cerveau à Paris. Et nous allons donc, comme je vous le disais, nous intéresser à la recherche dans cette deuxième partie d'émission et pour commencer à la recherche autour des causes génétiques de la maladie de Charcot. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes précisément intéressé à des recherches en cours à l'Institut du Cerveau. Oui, j'ai rencontré Stéphanie Milkans, qui est chercheuse CNRS au sein de l'équipe cause de la SLA et mécanismes de la dégénérescence motoneuronale. Elle nous explique en quoi consistent ces travaux de recherche en matière de génétique des formes familiales de la SLA en France, ainsi que les mécanismes génétiques mis en évidence pour expliquer ces formes familiales. Et elle nous détaille comment ces identifications de causes génétiques sont directement liées à la recherche de traitements contre la SLA. Dans un premier temps, nous nous sommes concentrés sur les formes familiales, c'est-à-dire sur les familles pour lesquelles il y a plusieurs membres qui ont été atteints de cette pathologie et pour lesquelles des prélèvements d'ADN étaient disponibles. Nous avons recherché chez ces individus des différentes mutations qui concernaient soit des gènes connus, soit de nouveaux gènes d'intérêt. Alors il faut savoir que concernant la génétique de la SLA, il y a 4 gènes majeurs qui ont été identifiés. Le premier a été identifié dès 1993, il y a de nombreuses années. C'est celui pour lequel aujourd'hui il y a des essais thérapeutiques en cours. Ensuite, il y a eu d'autres gènes qui ont été identifiés, notamment le gène majeur, c'est-à-dire le gène le plus fréquent, qui permet d'expliquer près de 50% des formes familiales. Il s'agit du gène C9ORF72. Ensuite, il y a des gènes plus rares, comme le gène TARDDP, qui code la protéine TDP43 et FUS, qui correspond environ chacun à 5% des formes familiales. Donc, en fait, si on résume, l'ensemble des gènes majeurs, ces 4 gènes majeurs, permettent aujourd'hui d'expliquer près de 2/3 des familles atteintes de SLA en France. En matière justement d'implication de ces découvertes génétiques concernant la SLA vers de potentielles nouvelles pistes thérapeutiques, comment se réalise le pont et quelles potentielles études préliminaires peuvent être réalisées pour trouver des thérapies, sachant que la SLA n'a pas de thérapie encore connue? Alors actuellement, c'est vrai, je vous ai dit, le premier gène qui a été identifié, le gène SOD1, en fait, on ne connaît pas encore précisément le mécanisme qui permet d'expliquer, en tout cas, la toxicité de cette protéine. On sait que cette protéine mutée, elle est toxique. On sait qu'elle est en quantité trop abondante, qu'elle va s'accumuler dans le motoneurone des patients. Et donc, dans cette mesure, la stratégie thérapeutique qui a été choisie et qui est développée, c'est de diminuer l'expression de cette protéine mutée. Donc, en fait, je dirais que c'est presque le gène pour lequel il est le plus simple de développer une stratégie thérapeutique, puisque pour les gènes suivants, notamment le gène TARDDP et le gène FUS, il s'agit plutôt d'une délocalisation cellulaire, c'est-à-dire que ces protéines qui normalement sont nucléaires vont être délocalisées au niveau du cytoplasme et s'accumuler également dans les motoneurones des patients. Et à ce moment-là, c'est plus délicat car non seulement il s'agit d'une accumulation dans un compartiment cellulaire donné, mais également d'une perte de la protéine au niveau du noyau. À partir de ces travaux sur les mutations génétiques et les gènes identifiés dans la SLA, quelles sont aujourd'hui les principales pistes que vous allez continuer à suivre? Est-ce que ce sera toujours avec des cohortes de famille ou bien avec des patients plus isolés? Alors pour l'instant, on a pu identifier, comme je vous l'ai dit, 2/3 des formes familiales. En fait, nous, on travaille sur une cohorte qui correspond à 450 familles françaises. Donc en fait, il y a encore des familles pour lesquelles nous n'avons pas trouvé le gène responsable de la maladie. Donc pour ces familles, ce qu'on réalise, ce sont des analyses de génétique, de séquençage au débit. En fait, on va avoir la possibilité pour ces patients, par les analyses d'exome, qui consiste en la lecture de la séquence de tous les exons du génome, d'avoir en fait un panel de variants de pathogénicité incertaine qu'on va devoir sélectionner pour pouvoir véritablement les incriminer dans la maladie. Alors c'est ça un petit peu le problème aujourd'hui des études de génétique, c'est que si on se focus uniquement sur un individu, on va avoir énormément de variants rares qu'on va être capable d'identifier. Après, c'est autre chose de parvenir à vraiment prouver la pathogénicité de ces variants. d'en faire une vérité statistique d'une certaine façon. Voilà, tout à fait. En fait, ce qu'on va rechercher, la sclérose latérale amyotrophique est une maladie rare, et donc on va rechercher dans un premier temps tous les variants rares qui vont être identifiés chez un individu. Et ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir plusieurs ADN d'une même famille, parce que ça va permettre d'avoir vraiment des études familiales poussées, de pouvoir effectuer ce qu'on appelle la ségrégation d'un variant au sein d'une famille, et donc d'identifier chez tous les individus atteints d'une même famille le variant commun qui va pouvoir être le meilleur candidat en fait pour avoir causé la maladie. Les études que nous avons menées sur cette grande cohorte rétrospective de patients atteints de SLA nous ont permis de démontrer que la fréquence respective de chacun des quatre gènes majeurs était différente en fonction de l'âge de début des symptômes. En effet, effectivement, les mutations dans le gène C9 ORF72 sont les plus fréquentes pour les patients qui développent la maladie après 40 ans. Mais lorsqu'on considère une population de patients plus jeunes qui développent la maladie avant 40 ans, ce sont les mutations dans le gène FUS en fait qui prédominent, et ce sont celles qui doivent être recherchées de façon prioritaire dans ce sous-groupe de patients. Le but des études génétiques, c'est bien évidemment de pouvoir proposer à chaque patient une thérapie génique ciblée qui soit adaptée à la mutation qu'il porte. Les premiers essais concernent effectivement le gène SOD1. Il y a d'autres essais en cours qui sont d'ores et déjà envisagés, notamment pour le gène FUS qui touche, comme je vous l'ai dit, les formes les plus précoces. Donc c'est très important pour nous de parvenir à identifier la totalité des mutations qui sont responsables des formes familiales pour les patients qu'il nous reste, c'est-à-dire un tiers des patients français. Le problème auquel on est confronté pour l'interprétation des variants de signification incertaine, c'est de disposer de matériel biologique issu du patient qui va nous permettre de vérifier si ces mutations que l'on retrouve au niveau des ADN vont perturber ou non la synthèse des protéines mutées correspondantes. En effet, souvent les prélèvements de sang sont réalisés pour extraire les ARN, mais aucun matériel n'est conservé pour, par exemple, faire des extractions d'ARN ou de protéines. C'est particulièrement important pour le chercheur ensuite de bénéficier de tissus du patient pour pouvoir valider ensuite les hypothèses qu'il aura pu mettre en évidence dans les prélèvements d'ADN. Voilà donc la recherche notamment sur les causes génétiques et donc évidemment sur les traitements possibles de certaines formes de la maladie de Charcot. Peut-être une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Séverine Boilet. Oui, tout à fait. Non, je pense que Stéphanie a très bien exposé les cas familiaux. C'est vrai qu'après, l'idée c'est de pouvoir trouver un traitement ciblé et spécifique. Donc ça a commencé pour SOD1, mais pour tous les autres cas et les cas rares, on n'y est pas encore tout à fait. Mais ce qui est aussi très important, ce qu'a dit Stéphanie au début, c'est qu'il faut faire toutes ces recherches. Donc il faut bien se rendre compte que le gène SOD1, qui là est proche peut-être d'avoir un traitement, a été découvert en 1993, et donc il a fallu énormément d'années de recherche pour savoir quelle serait la stratégie, parce que est-ce qu'il faut diminuer cette protéine ou pas. Il faut vraiment savoir comment ça fonctionne pour savoir comment faire. Pour SOD1, on sait qu'on peut empêcher l'expression de la protéine et qu'a priori il n'y aura pas trop d'effets secondaires. Mais pour beaucoup d'autres gènes, on ne sait pas. Et donc là, en tout cas aux États-Unis, c'est vers là qu'ils se dirigent. Ils veulent vraiment, pour les cas extrêmement rares, faire des thérapies très ciblées et aller cibler uniquement la protéine qui est mutée. Il faut se rendre compte que d'un patient à l'autre, même si c'est le même gène qui est muté, ça peut être différentes mutations qui peuvent avoir différentes conséquences. Et donc, par exemple, pour SOD1, le choix a été d'avoir la même molécule, le même antisens qui va permettre de diminuer l'expression de cette protéine pour tout le monde, parce que c'est difficile d'envisager quelque chose de spécifique pour chaque personne. Donc là, il faudrait se diriger vers une thérapie beaucoup plus ciblée pour des formes très rares et aller vraiment cibler la mutation spécifique. Luc Dupuis, sur ses travaux et sur finalement ce que l'on entend dans ce que vient de dire Séverine Boilet et ce qui était également dit dans le reportage, c'est-à-dire que finalement, face à ces différentes formes d'expression de la SLA, il faudrait presque arriver à de la médecine individualisée, c'est-à-dire à de la thérapie génique qui soit absolument spécifique pour chacune ou chacun des patients, ce qui, comme on l'imagine, est relativement complexe à mettre en œuvre. Alors, effectivement, c'est déjà envisagé, hein. Et je crois qu'il faut bien se rendre compte qu'effectivement, il y a une quarantaine de gènes qui sont connus. Il y en a quatre, comme l'a dit Stéphanie, qui sont les gènes principaux. Et pour ces quatre-là, en tout cas, au moins à ma connaissance, pour trois d'entre eux, il y a déjà des stratégies qui sont mises en place avec des essais cliniques dont les résultats pour certains sont déjà connus. Donc ça, c'est très important pour ce qu'on appelle ces formes familiales. Maintenant, moi, je pense qu'il ne faut pas enfermer la génétique de la SLA uniquement dans les formes familiales, c'est-à-dire celles qui se transmettent ou qui se retrouvent dans plusieurs générations. Il y a probablement des contributions génétiques qui sont beaucoup plus larges dans la SLA que ces formes familiales. On sait qu'il y a des facteurs de risque génétiques qui, quand ils s'additionnent, vont certainement favoriser le déclenchement d'une SLA. Et puis, il y a quelque chose qui n'a pas du tout été exploré, qui va bientôt, je l'espère, être exploré, c'est la génétique de la progression de la maladie. C'est-à-dire qu'on sait que certaines, on l'a dit par exemple, la même famille, la même mutation, la fille déclenche la SLA à 18 ans, la mère à 45 ans et n'a toujours pas déclenché sa SLA. Ça veut dire que, alors qu'elle est porteuse et qu'on sait que la pénétrance de cette mutation est de 100%. Donc ça veut dire qu'il y a des facteurs de risque qui sont probablement importants sur la progression, mais qui sont totalement inconnus. Donc ça, c'est à mon avis important et ça participera à la question, je reviens à la question que vous avez posée, à l'individualisation du traitement, c'est-à-dire qu'on peut envisager dans quelques années d'avoir identifier des facteurs de progression génétique qui nous permettront d'individualiser les traitements génétiquement sur ces facteurs de progression ou déclenchement. On a beaucoup entendu parler, il y a assez peu de temps, d'un autre cas atypique, on l'évoquait tout à l'heure dans la première partie de l'émission, celui de cette étudiante américaine Lee Stavenhagen, qui, elle, a reçu un traitement à base de cellules souches. Alors, on est encore dans un cadre expérimental, elle-même dit qu'il faut être très prudent sur l'efficacité de ce traitement, mais de facto, sa maladie progresse peu, ou en tout cas, non pas régressé, mais en tout cas, ne s'est pas empiré. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'état de ce cas particulier, en sachant qu'il est, encore une fois, comme indiqué, pour être bien pléonastique, un cas particulier et qu'il est pour le moment encore très difficile à généraliser à d'autres types de traitements de la SLA, Séverine Boilet? Oui, c'est toujours le problème avec la SLA, comme on l'a dit, donc l'évolution est différente et puis à un moment voilà, des patients qui peuvent évoluer par exemple entre deux visites, ils peuvent évoluer plus ou moins rapidement ou plus ou moins lentement et on sait qu'il peut y avoir beaucoup de paramètres qui vont être appliqués sur l'évolution. Donc on doit avoir recours à ce qu'on appelle de la thérapeutique en faisant des essais cliniques pour savoir s'il y a vraiment un effet en incluant suffisamment de personnes, en ayant le traitement et le placebo pour savoir si quel est l'effet. Donc là, bien sûr, si cette personne a sa maladie qui évolue moins rapidement, c'est tant mieux. Mais quel est le contrôle? C'est toujours le problème, parce que lorsqu'on injecte des cellules souches, on ne peut pas avoir un contrôle. C'est pas comme lorsqu'on donne une molécule où on donne à quelqu'un la vraie molécule et puis à l'autre, il n'y a rien dans la pilule qu'on lui donne. Donc là, c'est très compliqué de pouvoir comparer et de pouvoir savoir. Donc le résultat de ces études ne pourra servir de traitement pour tout le monde que si On sait vraiment si on a un groupe contrôle et un autre groupe pour savoir. Donc voilà, mais c'est vraiment les cellules souches, on entend beaucoup parler, c'est vraiment quelque chose effectivement où il y a de l'espoir parce qu'on se dit que ça va pouvoir ralentir et ça va pouvoir rajeunir les cellules. On a tout ça en tête, oui. Mais c'est très difficile. Pour le moment, on n'en est pas du tout à remplacer les motoneurones et à les faire repousser. C'est très très préliminaire encore. Peut-être un mot tout de même, Luc Dupuis, pour bien expliquer de quoi il s'agit, de quel traitement a pu bénéficier cette étudiante américaine. Quand on parle de cellules souches, quel type de cellules, qu'est-ce qu'on cherche à remplacer? On cherche à reconstituer les motoneurones déficients? Est-ce que c'est à d'autres endroits? Comment ça se passe concrètement? Alors, sur ce cas particulier, j'ai pas d'informations très précises. Ce que j'ai cru lire dans les... Déjà, je suis pas son médecin, mais ce que j'ai cru lire dans les différents documents que j'ai vus, c'est que c'était une thérapie cellule souche avec une visée neuromodulatrice, donc immunomodulatrice, pardon. Donc peut-être que effectivement, ça peut être intéressant. J'ai pas l'impression que ça soit une stratégie de remplacement de motoneurones dans ce contexte-là. Maintenant, je pense que s'il y a bien une chose que j'espère le grand public a compris, c'est que avec la crise Covid, c'est qu'il faut qu'on fasse, je vais souscrire encore à ce que dit Séverine, il faut qu'on fasse des essais cliniques très corrects, un essai clinique avec une personne, en plus cette jeune femme, elle a une SLA extrêmement atypique, elle est très très jeune. Elle a 29 ans, effectivement, ce sont des cellules souches de T régulatrices, donc effectivement c'est bien des cellules souches immunitaires. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut prendre avec énormément de pincettes ça. Je dis pas qu'il y a pas d'espoir. Je dis pas qu'il y a pas que c'est faux ou etc. Mais par contre, je pense qu'il faut prendre beaucoup de précautions parce que on a donné un nom très générique, beaucoup d'espoir aux patients SLA et on s'est heurté. Séverine, je pense, a la même expérience que moi, a beaucoup d'échecs dans les essais cliniques ultérieurs. On a tous en tête dans la communauté de recherche SLA le lithium, par exemple, qui a été dans un premier essai clinique extrêmement positif et qui après, dans les essais cliniques ultérieurs, s'est révélé totalement négatif. Tout et qui maintenant revient avec une composante génétique qui pourrait être intéressante. Donc en fait, je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse les essais cliniques correctement avant de diffuser des informations qui pourraient éventuellement être porteuses de faux espoirs. Évidemment. Peut-être un mot tout de même, Séverine Boilet, parce qu'on dit que pour le moment, il n'y a pas de traitement. C'est pas exactement vrai, puisqu'il y a bien une molécule qui est le riluzole, dont vous pouvez peut-être nous parler, mais qui a des effets extrêmement modérés à l'heure actuelle. Oui, quand on dit qu'il n'y a pas de traitement, c'est qu'il n'y a pas de traitement curatif, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement qui permet terminer la maladie. Bien sûr, les patients sont suivis et tout ce qui est fait. Je ne suis pas neurologue, mais tout ce qui est fait, c'est pour que les patients aillent mieux. Et donc, on leur donne effectivement cette molécule, le riluzole. Il y a aussi d'autres traitements qui sont donnés, qui sont plus du cas par cas. Et donc là, on parlait justement de SOD1, le premier gène. Donc, il y a eu un essai thérapeutique. Et maintenant, ces patients peuvent continuer à bénéficier de cette molécule lorsqu'ils ont... le gène muté. Il y a aussi une autre molécule qui a été donnée, mais aussi dans des cas bien particuliers, parce qu'il semblerait que si on prend le patient à un stade particulier, cette autre molécule peut avoir un effet. Donc il y a quand même des choses et des pistes. On peut envisager, on peut espérer qu'en les additionnant, il y a peut-être, donc là, les cellules dont vous faisiez référence, les cellules immunitaires, c'est vrai qu'il peut y avoir un effet sur la progression de la maladie avec ces lymphocytes. Donc on peut imaginer que si on donne quelque chose pour le motoneurone, qu'on donne quelque chose pour l'environnement qui freinera aussi la maladie, c'est ces multithérapies qui pourront peut-être faire quelque chose. Quelles sont les pistes aujourd'hui? Alors, il y a deux choses dont j'aimerais parler avant, là, dans cette toute dernière partie d'émission. Peut-être la première chose pour l'aide au diagnostic, avant de parler véritablement de recherche en pharmacologie. Mais aujourd'hui, est-ce que, Luc Dupuis, on a des pistes pour trouver des biomarqueurs qui permettraient d'identifier très rapidement, d'éviter l'errance diagnostique et donc de pouvoir intervenir plus en amont que ce qui est le cas aujourd'hui? Alors, ça, c'est une des choses qui, à mon avis, va être très, très important dans la pratique clinique dans les prochaines années. C'est que maintenant, on a des marqueurs de progression qui sont à peu près validés. C'est-à-dire que on peut mesurer dans le sang certaines protéines du cerveau dont on sait que les niveaux sont reliés à la progression de la maladie. Et ça va être très important pour deux aspects. Déjà, ça va permettre d'aider le pronostic du patient individuel, j'espère. C'est pas encore complètement fait, mais on peut espérer y arriver. C'est-à-dire qu'on va, comme pour un marqueur de cancer, on va mesurer ces niveaux et on va les suivre. Et deuxièmement, peut-être plus important au niveau de la recherche, c'est l'idée que on va pouvoir faire des essais cliniques qui sont basés sur ces biomarqueurs. Et qui, du coup, auront besoin, entre guillemets, de beaucoup moins de patients que les essais cliniques qui sont faits actuellement, qui sont basés sur des échelles cliniques ou sur la survie des patients, et qui, donc, on disait au début, c'est très hétérogène d'un patient à l'autre. Donc ça pourrait être quelque chose de révolutionnaire, notamment dans la façon dont les essais cliniques vont pouvoir être menés, d'avoir des essais cliniques à 20-30 patients plutôt qu'à 200-300. Peut-être pour conclure, Luc Dupuis et Séverine Boilet, rapidement, un petit mot, justement, à destination de nos auditrices et nos auditeurs. Aujourd'hui, quelle est la démarche à suivre quand on commence à avoir des doutes, des débuts de symptômes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se passe la prise en charge? Quel est le chemin finalement pour obtenir un diagnostic assez rapide et pour pouvoir être pris en charge le mieux possible? Luc Dupuis. Alors ça, c'est très important pour tous ceux qui écoutent et qui ont la SLA ou qui ont des patients SLA dans leur famille. La première chose, c'est que on est en France, on a la chance d'avoir un réseau de recherche clinique qui est très bien organisé, qui s'appelle une filière, la filière SLA. Et du coup, il y a un maillage territorial d'un certain nombre de centres de référence et de centres de compétences. Donc, il faut absolument se faire suivre dans ces centres. En fait, c'est probablement la partie qui a été la plus efficace pour améliorer la survie et la qualité de vie des patients. C'est d'avoir un suivi par des neurologues, des diététiciens, des kinés qui sont spécialisés dans ces centres de référence sur cette maladie. Donc, il faut absolument se faire suivre par ces neurologues spécialisés dans les centres de référence. Il y en a une quinzaine en France. Un mot de conclusion là-dessus, Séverine Boilet, soit sur la prise en charge, soit sur peut-être les prochaines étapes dans la recherche qui semblent les plus prometteurs. Oui, alors par rapport au centre, effectivement, Luc l'a très bien décrit. Et par rapport aux futures recherches, c'est vrai que on travaille beaucoup sur les cas familiaux parce que pour la recherche, c'est très important d'avoir quelque chose d'un peu uniforme chez l'homme. Comme on l'a décrit tout au début, ça, c'est vraiment très différent d'un individu à l'autre, mais on aimerait par la suite pouvoir prendre tout ce qu'on a réussi à connaître sur ces cas familiaux pour pouvoir aller vers les cas sporadiques qui sont les cas les plus fréquents, et c'est vraiment ce qu'on aimerait pouvoir faire par la suite pour pouvoir aider la majorité des patients. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Séverine Boilet, merci Luc Dupuis d'être venu nous parler de la SLA ou maladie de Charcot. Évidemment, comme toujours, les liens vers les réseaux experts, en toutes les informations que vous pouvez, que vous souhaitez retrouver, on les met sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. La méthode scientifique, c'est Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, aujourd'hui Hugo Renard à la technique. Et comme d'habitude, bien vous le savez, sur le nouveau site flambant neuf de franceculture.fr pour la réécoute, ou sur l'application Radio France pour les podcasts et la balade de diffusion, absolument. Et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.